Ok, vas-y. Quoi de neuf, frère? Tu sais, c'est la même routine en fait. Rien de croustillant, mec. Check ça. J'tente des trucs, mais ça le fait jamais. Ça met la haine chaque jour, pareil que la veille. Y'a rien à gratter, on est plein à squatter. Dans les rues, le soir, on est plein à brasser. Ouais. On a tous nos raisons, on veut tous la maison. Pour finir nos vieux jours sans toute sous pression dehors. J'sais qu'il y a rien pour moi, c'est chacun pour soi. J'ai la haine et t'sais bien pourquoi. J'ai pas le mode de vie d'un gosse de riche. Moi pour remplir mon frigo faut que j'porte des briques. Le soir même plus la force de rire. Une bonne douche, une bouffe, un spliff et j'tombe sur lui. Drôle de vie, faut que j'stoppe ce rythme. M'en sorte vite mais c'est mort ici, rien porte fruit pour nous. Y'a juste des blocs de ciment, des jobs épuisants, des juges et des hordes de flics. Ouais, tu parles d'une vie de rêve dans ce ville de merde. La vie que je mène, une sacrée prise de tête. Des fois, j'flippe et frise, la crise de nerfs. Cet avenir me stresse, j'endors plus la nuit, j'me lève. Alors j'écris ce que j'ai. Mec, j'veux m'en sortir, la ruine me guette, mais j'sais que j'peux m'en sortir. T'entends? Marre de voir toujours frauder. J'veux plus de ce train de vie, j'rappe dans l'espoir de croquer. Soleil, flamme, parti, racine, sexe, drogue, argent, facile, tourisme, vol, bavure, tragique, justice, factice, bienvenue dans 06. Soleil, flamme, parti, racine, sexe, drogue, argent, facile, tourisme, vol, bavure, tragique, justice, factice, bienvenue à Nice. Et ouais, c'est le rap des grands garçons qui frappent sans sommation. Mic, détonation sur la face des francs-maçons qui déforment l'information. Nous brassent leur compassion sous forme de tentation. Leur loi, leur violation, nous parlent de probation. Nous masquent leur fondation, leur bac, leur prof absent. Leur taf, leur plan maçon, leur stage en formation. Leur fave d'association, et non leurs histoires pour moi c'est sans façon. Que du verbiage à la mot passant, c'est du coq-like sans glaçant. À la recherche du hack, c'est ça ma vocation. Et te casse pour nos gens du bras. Ils ont le cœur quand il s'agit de donation. Et on voile tes provocations. Et on te laisse avec un point d'interrogation. Et ouais, c'est Mike, R-A-Z-I-M-A-S-A-R. Soleil, flamme, parti, racine, sexe, drogue, argent, facile, tourisme, vol, bavure, tragique, justice, factice, bienvenue dans 06. Soleil, flamme, parti, racine, sexe, drogue, argent, facile, tourisme, vol, bavure, tragique, justice, factice, bienvenue à Nice.